Et la famille, c'est 050. Ah, aïe aïe aïe, The Pequeno. Aïe, The Pequeno. Hey, street motherfucker. Comme The Pequeno, la chichi, oh la mort. Comme The Pequeno, la plata, oh la guerre. Comme The Pequeno, mon homme, j'ai beau dollar. Comme The Pequeno, la hnina, on va pas d'abord. للي عزو مطلوب